artisan local dont je trouve le travail superbe. En effet, depuis 2013, Nicolas Roux, géomètre, pisteur et menuisier de métier, s'est installé à Vanier. Et c'est dans son petit sous-sol de 25 mètres carrés qu'il fabrique des skis, snowboard, skateboard et autres longboard sur mesure et entièrement personnalisables. Et ce qu'il en ressort est vraiment magnifique. En 2013, il fonde sa marque, Fond de Vallée. C'est à partir de frênes et d'épicés à Vosgien, s'il vous plaît, que Nicolas constitue le noyau, pose l'écart et s'occupe de dessiner les gabarits à la main. Ce qui leur donne un style, je trouve, unique. Mais cela ne se fait pas tout seul. En effet, rien que la déco et la finition prennent environ une centaine d'heures. Il en compte aussi une cinquantaine pour la réalisation. Et pour un budget relativement réduit, moins de 1000 euros, Nicolas réalise ainsi tous vos désirs de glisse les plus fous. C'est en 2010, fatigué d'entendre ses collègues se plaindre de leur job, qu'il a décidé de tout plaquer et de fonder cette petite marque. C'est en autodidacte que Nicolas s'est forgé une réputation dans le monde de la glisse, en proposant des produits uniques et locaux. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet, pour donner un maximum de force à tous ces petits artisans qui, pendant cette crise, font ce qu'ils peuvent pour subsister. Et aussi, je voulais vous parler de la ville de Remiremont, qui propose un soutien aux restaurateurs et vous encourage vraiment à commander, à continuer à vous faire livrer et à continuer à faire vivre ces petits restaurateurs. Et voilà, on arrive à la fin de cette petite chronique. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.